Le président du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un, a prononcé le 25 décembre, lors de la réunion du troisième jour de la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti, la conclusion pour le renforcement des organisations de base du parti. Il a dit que suivant la demande du développement de la révolution, le comité central du Parti du Travail de Corée a convoqué pour la première fois dans son histoire la conférence des présidents des organisations de base de tout le parti et qu'il la considère non moins importante que le congrès du parti. Il a souligné quelques problèmes importants pour améliorer et renforcer le travail des organisations de base du parti. Il a expliqué entre autres: pour développer toujours notre parti en rang kimilsoniste, kimjongiliste, conformément à la demande de la nouvelle époque de la révolution Juche, et promouvoir dynamiquement l'édification d'une puissance socialiste, la position et le rôle des organisations de base sont très importantes. Il faut renforcer les organisations de base pour former tous les militants du parti en kimilsoniste, kimjongiliste, infiniment fidèles à l'idée et à la direction du parti, et consolider parfaitement les assises du parti afin de développer notre parti en rang révolutionnaire invincible. Renforcer les organisations de base du parti et rehausser leur combativité sont aujourd'hui plus urgents dans la lutte pour appliquer la ligne avancée au 7e congrès du parti, consistant à transformer tout le parti par le kimilsonisme, kimjonglisme, tout en repoussant les menées antisocialistes obstinées des impérialistes et de toutes les forces hostiles qui s'avèrent ouvertes au fil des jours. Les organisations de base, suivant la volonté du comité central du parti, les privilégions, doivent se former en rang combatif d'élite et mobiliser tous les cadres, militants du parti et autres travailleurs à l'édification d'une puissance socialiste afin d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité dans le développement des organisations de base. La tâche principale actuelle des organisations de base du parti est de s'acquitter de leurs responsabilités et rôles en tant qu'unité d'activité principale du parti dans l'œuvre pour appliquer les tâches du 7e congrès du parti, en arborant le drapeau de transformation de toute la société par le kimilsonisme, kimjonglisme. Les organisations de base du parti doivent tout d'abord accomplir la mission et le devoir en tant qu'état-major politique des unités intéressées dans l'œuvre pour appliquer l'idée et la politique du parti. Surtout, elles doivent se concentrer au travail pour appliquer à fond la politique du parti et la tâche principale révolutionnaire de leur secteur et unité. Les organisations de base du parti du domaine annexe des organismes des forces armées, notamment l'armée populaire, doivent livrer énergiquement et comme dans le combat, le travail du parti et contribuer au maximum à améliorer encore la vie des militaires. Suivant fidèlement la ligne du parti privilégiant les affaires militaires, toutes les organisations de base du parti doivent appliquer de fond en comble leurs tâches militaires assignées. Dans cet objectif, il est important de mettre en valeur au maximum l'esprit de se renforcer soi-même tout en manifestant comme vitaux le moral des masses populaires, les sciences et techniques et le travail d'intendance. Elles doivent également assister autant que possible sur le plan politique les cadres administratifs et économiques pour qu'ils s'acquittent de leurs devoirs dans l'accomplissement de la tâche révolutionnaire. Il faut ensuite que les organisations de base du parti considèrent comme essentielle l'instauration du système de direction unique du parti, accordent un grand intérêt aux affaires intérieures du parti et renforcent à fond la combativité du parti et du rang révolutionnaire. Il faut se montrer très vigilant aux menées ennemies destinées à troubler notre intérieur et à toute forme de phénomène malsain démoralisant l'opinion publique et livrer intensément la lutte contre elles. Les organisations de base du parti doivent diriger correctement les formations des travailleurs pour qu'elles accomplissent leur rôle en tant que courroie de transmission et affiliés du parti. Surtout, il faut s'intéresser particulièrement au travail de l'Union de la jeunesse, de sorte que leurs organisations manifestent parfaitement la puissance d'unité avant-gardiste et de flanc du parti dans l'œuvre pour appliquer la résolution du 7e congrès du parti. À l'heure actuelle, l'essentiel dans le travail du comité du parti pour les communes de la campagne, c'est de renforcer la position rurale socialiste sur les plans politiques et idéologiques et d'atteindre à tout prix l'objectif du parti en matière de production agricole. Pour que les organisations de base du parti s'acquittent à merveille de leurs missions et devoirs assignés par le parti et la révolution, leurs présidents doivent rehausser définitivement la responsabilité et leur rôle. Les départements du comité central du parti, les comités du parti pour les provinces, villes et arrondissements, ainsi que d'autres comités du parti qui ont de pareilles fonctions, doivent accorder la priorité au renforcement des organisations de base suivant l'idée et l'orientation du parti. Il faut à tout prix livrer la campagne visant à éliminer définitivement la bureaucratie administrative. Le camarade Kim Jong-un a appelé tous les participants à la conférence et autres présidents des organisations de base de tout le parti à œuvrer avec dévouement pour le grand parti, le grand peuple et la victoire de la cause révolutionnaire sacrée Chuche.